À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, les membres des représentations de l'Organisation mondiale de la santé, du Programme mondial de l'alimentation, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à Pyongyang ont déposé le 7 coron les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de formuler hommage.